En ce temps des fêtes, le moment est vraiment propice pour penser aux gens qui font notre succès. Le propriétaire de Remorque 2000, M. Daniel Deschênes, et tout son personnel désirent remercier sa distinguée clientèle et profitent de l'occasion pour souhaiter un joyeux Noël et une bonne année à toute la population. Tout besoin en remorque, c'est l'équipe de Remorque 2000 qu'il faut contacter, la référence au Saguenay-Saint-Jean dans ce domaine. Remorque 2000 au 643 rue Dequin à Dolbeau-Mistassini, au numéro de téléphone 88-276-9383 ou le remorque2000.com. Laval et tout le personnel du restaurant Au Machinois du 1005 boulevard Sacré-Cœur à Saint-Félicien vous souhaitent de joyeuses fêtes. Amusez-vous bien et soyez prudents pendant cette période de festivité. Nous vous invitons à ne pas oublier notre buffet à volonté à chaque midi et soir de semaine. Et visitez aussi notre page Facebook, le restaurant Au Machinois, 1005 boulevard Sacré-Cœur Saint-Félicien, au 88-679-3339. Voici Martial Bouchard, directeur général de la Caisse Desjardins, Domaine du Roi. Le personnel et les dirigeants de la Caisse Desjardins du Domaine du Roi rendent hommage aujourd'hui à tous les hommes et les femmes qui ont fait de la traversée internationale du lac Saint-Jean un des rendez-vous nautiques les plus prestigieux sur la planète. L'implication de tous les administrateurs et bénévoles, la participation des athlètes et le support des nombreux commanditaires permettent de croire que la 63e édition sera encore une fois à la hauteur des attentes de la population. Bravo à cette organisation qui atteint et maintient une notoriété aussi élevée qu'enviable partout à travers le monde. Desjardins vous invite à profiter des plaisirs de l'été et vous souhaite une excellente traversée. Assemblée générale hier de la traversée internationale du lac Saint-Jean, et on est revenu avec un profit, puis un beau profit à part de ça, de près de 54 000 $. On va parler avec la présidente de la traversée internationale du lac Saint-Jean, parce qu'il y a de grosses issues qui s'en viennent. Kim Privé, salut Kim! Bonjour! Kim, c'est fou comment que vous êtes tributaire de la belle température. Ah ben on l'a vu cette année, hein, avec les résultats des états financiers, on voit que le Dame Nature nous a apporté beaucoup de chance. OK, OK. 54 000 $, comment qu'on l'explique? On l'explique par, premièrement, la belle température, l'augmentation de gens, la présence de Justin Trudeau, également la vente de boissons ou toutes ces réponses? Je vous dirais toutes ces réponses. En fait, il y a eu beaucoup de monde, beaucoup d'achalandage dans toutes nos activités. Comme tu le mentionnais, au niveau du feu dans les rues, c'est sûr que la visite de Justin Trudeau a augmenté l'achalandage. Les trois soirs de spectacle, le site de la place de traversée était complet. On a vendu tous nos passeports en un temps record, 3000 passeports vendus très rapidement. Il a fait beau. Et aussi, il ne faut pas négliger la gestion serrée du budget. Tous les responsables de comité font une très belle gestion de leur argent et ça a donné les résultats qu'on a eus hier. OK, OK. Là, puis aussi les spectacles, comment c'est sûr, je suis plus sportif, mais le volet spectacle, augmentation également, j'imagine, de ce côté-là? Oui, bien c'est sûr qu'à chaque année, ça dépend de la programmation. Ouais. Mais cette année, on avait une programmation extraordinaire, ce qui nous a permis, comme je mentionnais, de vendre tous les passeports. Et le samedi soir, il y avait tout près de 7000 personnes lors du spectacle des Cowboys fringants. Alors, donc, ça a fait beaucoup de droits d'entrée, donc beaucoup de personnes sur le site et par le fait même, beaucoup de ventes là, dans les bars. OK. Là, vous allez avoir une grosse décision à prendre. Et ça s'en vient bientôt. Ça fait 10 ans que vous étiez avec la finale. Votre contrat est terminé. Il y a des pour, il y a des contre. C'est quoi les pour d'être avec la FINA? Bien, en fait, en ce moment, il y a un comité qui a été mis sur place il y a un peu plus d'un an par l'organisation avec des gens qui connaissent la natation, qui connaissent les enjeux. On est en train d'analyser tout ça. On a reçu le contrat dans les dernières semaines et là, on s'est penché sur le contrat. Et là, en ce moment, on est en négociation. Alors, je vous dirais qu'on devrait annoncer notre décision là, en début d'année. OK. Est-ce que ça va changer beaucoup, le portrait, mettons que vous partez, là, est-ce que ça va changer quand même les nageurs? Comme un gars comme Xavier Desharnais, c'est pas sûr qu'il revient, mais lui, si vous êtes plus avec la FINA, est-ce qu'il peut quand même nager dans la traversée du lac Saint-Jean? Ben en fait, selon, comme par exemple, il y a la FINA qui est une fédération de natation, mais il y en a d'autres aussi. Alors, c'est sûr que selon l'affiliation auquel l'organisation va être, ça amène un lot de nageurs qui participent au circuit. Parce qu'il faut pas oublier qu'en participant aux différentes courses de ces circuits-là, ils vont chercher des points pour être en tête, là, un peu comme la Formule 1, donc pour être en tête de ce circuit-là et recevoir des bourses à la fin du circuit. Okay. Donc, selon le circuit, ça peut changer les nageurs. Là, je peux pas vous dire si on va rester ou si on va quitter la FINA, comme je vous disais. On est en négociation et on devrait avoir des nouvelles très bientôt. OK, OK. Dis-moi, au niveau du conseil d'administration, y a-t-il des nouvelles personnes qui s'est joint à toi? Toi, tu reviens, j'imagine, mais les autres? Oui, il y a deux nouvelles personnes. En fait, il y a deux personnes qui ont quitté. Il y avait deux postes de libre cette année. M. Benoît Agnette et Mme Lucine Laberge ont quitté cette année. Et donc, deux nouvelles personnes se sont jointes à nous. Il s'agit de M. François Boily et M. Kevin Stevens. Donc, deux recrues là pour le conseil d'administration cette année. OK. Ben, Kim, félicitations, bravo, puis au plaisir de se reparler en 2018. Et bonne année également à toi et à ta famille. Merci à toi aussi, au plaisir. La présidente de la Traversée internationale de Lac-Saint-Jean, Kim Privé.